Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. À la cour ou en croisade, Aliénor d'Aquitaine s'en va en guerre. Même bien n'est que de lutte il faut mener pour maintenir sa place, surtout si l'on est une femme. Aliénor, comtesse de Poitiers, duchesse d'Aquitaine, un nom qui résonne à travers les siècles. Elle qui fut deux fois reine de France d'abord, puis d'Angleterre. Ajoutons la Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine, que de chemin parcouru pour cette femme, chemin au sens de destin, chemin aussi parce que son histoire s'écrit avec des cartes. Elle a tant voyagé, une femme dont les actions et les décisions ont chamboulé son temps avec une portée considérable. Rejoices alas contra le rai. Madame, ah, se met à vie, verts yeux riants, bruns sourcils, cheveux plus beaux que dorés, beau front, nez droit, bien assis, couleur de roses et de lys, bouche vermeille et suave, col blanc nullement hâlé, gorge qui de blancheur rayonne. Plaisante, avenante et gaie, la fille notre sire Dieu. Plaisante, avenante et gaie, portrait d'une reine, c'était sur France Culture en 1973 avec un écho au XIIe siècle évident. Bonjour Martin Aurel. Bonjour Xavier. Était-elle plaisante, avenante et gaie à Aliénor d'Aquitaine? Absolument, je le pense. Il y a beaucoup de témoignages qu'il appelle en latin pulcra, c'est-à-dire belle, perpulcra, encore parfaitement belle, ou bien il loue sa vénusté, Vénusta, sa Vénus, la déesse de l'amour, et c'est le substantif qu'on utilise pour elle. Donc ce ne sont pas des stéréotypes, comme on l'a dit, les gens étaient fascinés par Aliénor, à commencer par Louis VII, hein. On disait qu'il avait perdu la raison à cause de la beauté de son physique. Eh oui, son premier mari, Louis VII, le roi des Francs, avec ici quand même, Martin Aurel, il faut s'arrêter sur ce prénom, Aliénor, mais qu'est-ce que c'est étrange, et déjà au XIIe siècle. Oui, c'est vrai que c'est exceptionnel, même si de nos jours il est assez répandu. Aliénor est le nom de sa mère, qui était vicomtesse de Châtellerault, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Poitiers, sa ville natale d'Aliénor. Ça vient d'honneur, honneur. Alors, double sens du terme. L'honneur, bien sûr, c'est la réputation, c'est ce qui fait véritablement la possession immatérielle la plus précieuse qu'une famille peut avoir, une maison qui passe par les femmes nécessairement. Les hommes se battent pour préserver l'honneur des femmes de leur famille. Mais l'honneur, c'est aussi le patrimoine. C'est le fief, c'est la terre que cette famille a et qui lui donne une racine profonde dans un terroir. Avec quand même, il faut le dire, Martin Aurel, Aliénor d'Aquitaine, quelqu'un de bien né. Là, c'est sûr que quand on regarde un petit peu la généalogie et puis son avenir que l'on peut imaginer, tout va pour le mieux. Oui, c'est vrai qu'elle a une famille extraordinaire, la famille des Guillémides, qui descendent de Saint-Guillaume de Gélone, le conquérant de Barcelone, le cousin germain de Charlemagne, et donc une grande famille qui est... Ce sont des ducs d'Aquitaine depuis longtemps qui ont en plus un excès à partir du Poitou, de la Saintonge, de l'Aunis, leur territoire essentiel. Ils ont un excès à partir du milieu du XIe siècle au sud de la Garonne, la Gascogne. Martin Aurel, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Poitiers. Nous parlons du duché d'Aquitaine. Il faut peut-être préciser un peu où l'on est à ce moment-là. Nous sommes au XIIe siècle. Alors, que ce soit clair, le duché d'Aquitaine, c'est quoi? C'est un territoire indépendant? C'est-à-dire qu'il appartient à un territoire qui est la Francie occidentale, l'actuelle France, mais bien entendu, ces ducs, depuis des siècles, se rendent de temps en temps à Paris, mais c'est très rare, ou bien le roi de France traverse la Loire vers le sud pour recevoir leur hommage. C'est leur seigneur théorique, mais il est assez lointain, il n'a pas les moyens de sa politique. Et puis c'est un duché extrêmement riche. Il y a le doyen de la cathédrale de Londres à l'époque d'Aliénor dit de l'Aquitaine qu'elle a fait les éloges des écrivains anciens et que ces éloges sont fondés. C'est une terre, climat océanique, récolte extrêmement riche, élevage. Et puis vous avez ces salines qui rapportent tant avec deux ports, La Rochelle qui vient d'être fondée et puis Bordeaux bien sûr. Et les vins aussi qui partent vers l'Angleterre. Donc vous avez une richesse extraordinaire dans ce territoire. Le duc d'Aquitaine est vassal du roi de France. Très bien, donc il doit lui rendre hommage. C'est la féodalité, mais vous venez de nous le dire, en fait, il fait un petit peu ce qu'il veut. Absolument, il fait ce qu'il veut. Il se paie même la tête du roi de France. Une fois, il l'a vu à Tours, un de ses ancêtres. Enfin, c'est plus la famille Angevine, mais il traite le roi de France d'âne couronné parce que c'est un roi illettré par rapport au duc d'Aquitaine qui est si cultivé, qui appartient à cette civilisation profondément romaine, qui parle une langue différente de celle du Nord. C'est du français, mais c'est du français de Languedoc, où il y a donc une culture extrêmement vieilles, riches, ils sont peut-être moins portés à la guerre, quoique les ducs d'Aquitaine traversent souvent les Pyrénées pour aller prêter main forte au royaume du Nord, au royaume d'Aragon en particulier dans leur lutte contre les musulmans. Donc c'est des guerriers aussi, mais la culture les intéresse beaucoup. Avec un duc d'Aquitaine qui fait ce qu'il veut et parfois de la musique. L'ensemble de Kaelis qui interprète cette chanson de Guillaume d'Aquitaine, Guillaume IX. Alors là, formidable personnage dans la famille d'Aliénor d'Aquitaine, je demande le grand-père. Oui, Guillaume IX est un personnage qui a une envergure historique, une envergure politique, militaire aussi, puisque il est parti se battre dans la péninsule ibérique, mais aussi jusqu'en Terre Sainte, hein, l'arrière-croisade. Il n'a pas pu participer à la première parce qu'il était excommunié, parce qu'il appuyait le roi Philippe Ier, qui était divorcé, qui était en concubinage, et lui aussi, il a pris une maîtresse. Donc c'est un personnage en couleur. Et puis c'est le premier troubadour dont on ait conservé des textes, des poèmes. Le premier, enfin des poèmes que vous nous avez fait entendre, ces chansons en fait, elles sont rimées pour être chantées. Et puis elles sont en langue vernaculaire, en langue d'oc. C'est une grande première en Occident que l'on abandonne le latin, que l'on adopte aussi la rime et qu'on chante l'amour. Alors Guillaume IX est très ambigu parce qu'il est capable d'écrire, de composer de chansons à boire, à faire rougir un bataillon de cavalerie très obscène. Mais en même temps, et c'est là où ça devient intéressant, il a écrit des chansons sur ce qu'on appelle à l'époque la fine amor, l'amour parfait, c'est-à-dire un amour qui vous donne de vous dépasser, qui vous apprend à contrôler vos pulsions, vos passions. Un amour qui est de nature spirituelle, où la femme, belle, extraordinairement douée, est inaccessible. Et elle ne vous donne ses faveurs que par paliers successifs. Donc il faut se dépasser personnellement pour la posséder un jour, et encore si on la possède. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard l'amour romantique pour cette femme, donc éthérée, inaccessible, un amour extrêmement platonique. Et tout cela vient de ce milieu aquitain, Ensuite, cela se répand, bien sûr, et c'est quelque chose de, une grande invention. On a parlé même de l'invention de l'amour en Occident. C'est peut-être excessif, bien entendu, mais il y a beaucoup de cela. On dépasse un peu Ovid, vous voyez un peu la recherche du plaisir pour le plaisir, c'est autre chose. Avec, à la sauce du 19e siècle, cet amour courtois à Léonore d'Aquitaine, Martin Aurel, vous lui consacrez cet ouvrage publié aux presses universitaires de France, quel plaisir de lecture, et vous nous rappelez que Aliénor a un tout petit peu connu ce grand-père Guillaume IX, qui d'ailleurs, et vous le soulignez, n'est pas courant au XIIe siècle. Bon, c'est pas courant, mais Aliénor elle-même a pu rencontrer ses arrière-petits-enfants, hein, fils du comte de Perche et de sa petite-fille Mathilde de Saxe et de Bavière. C'est une femme d'une longévité extraordinaire. Elle a connu à 4 ou 5 ans, puisqu'il est décédé ensuite, Guillaume IX, son grand-père, qui s'était retiré dans un monastère près de Châtellerault, où il trouvera donc la mort. Il s'est d'une certaine façon converti et il a laissé tomber sa maîtresse, la Maubergeonne, pour vivre avec les moines à la fin de ses jours. Mais c'est vrai que c'est rare que l'on connaisse son grand-père. Saint Louis aussi a connu Philippe Auguste, mais c'est une exception puisque la vie est courte à l'époque. Ben oui, c'est ça, avec un destin bien sûr qui s'écrit quand on est fille du duc d'Aquitaine. Quelle est son éducation? Elle est élevée pour peut-être succéder un jour à son père? En principe, elle a un frère aîné, Guillaume Aigret, mais qui est mort en bas âge, tout comme sa mère. Hein. Aliénor se retrouvait orpheline à l'âge de 7 ou 8 ans de mère, et son père a essayé de se remarier pour se donner un successeur mâle. C'est l'obsession de cette époque d'avoir un héritier. Ça n'a pas marché puisque son épouse lui a été ravie par un de ses vassaux séquestré, ou peut-être sans doute était-elle consentante, Emma. C'est vrai qu'Aliénor, elle a été élevée pour devenir peut-être gouvernante, en tout cas pour devenir reine, hein, puisque les reines ont un pouvoir informel, un pouvoir d'influence sur leur mari. Il faut qu'elles se tiennent au courant des affaires, qu'elles connaissent le latin. On a un témoignage extraordinaire. C'est un anneau qui a été donné à la fin du XIIe siècle au monastère de Saint-Albans, à côté de Londres. Et le chroniqueur londonien de ce monastère, Mathieu Paris, a écrit que cet anneau lui a été donné par un condisciple d'Aliénor, qui est un homme en plus. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire. Et il a dessiné aussi l'anneau en question. Ah oui, c'est toujours ce monde très particulier hein, que vous évoquez, Martin Aurel, celui de cette Aquitaine médiévale avec toute cette culture. Et puis, dans le même temps, il y a ce souverain, suzerain, le roi des Français. Absolument. C'est Louis VI le Gros du temps de la jeunesse d'Aliénor d'Aquitaine. Ici, nous avons vraiment quelque chose qui se dessine. C'est cette alliance entre le roi de France ou le roi des Francs et l'Aquitaine. Comment ça se construit? Alors, ça se construit, bien sûr, vous voulez dire le mariage, hein, à proprement parler. C'est comme toujours, les mariages se font en 3 temps. Fiançailles, échange de consentement, béni par le prêtre, dans une cathédrale, en l'occurrence. Et puis, 3e moment, c'est la consommation physique, conjugale du mariage. Mais Guillaume X, le père d'Aliénor, sentant qu'il n'avait pas d'héritier et qu'il avait beaucoup de cousins, les vicomtes de Châtellerault, les vicomtes de Thouars, qui allaient se disputer son patrimoine, et que son seul frère qui aurait pu prendre sa succession, Raymond de Poitiers, est parti pour Antioche quelques mois avant sa mort, eh bien Guillaume, qui est allé en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle pour expier sa faute, c'est-à-dire il avait soutenu, c'est lui qui deviendra l'antipape, un pape d'origine anaclée, un pape d'une famille juive convertie de Rome, qui avait son concurrent Innocent II. Finalement, c'est Innocent II qui a été légitimé a posteriori, et donc il se retrouve dans le mauvais camp. Il y a une scène qui est racontée par la géographe, par l'auteur de la vie de saint de Saint Bernard, Bernard de Clairvaux, hein, qui est un des grands personnages de l'époque. C'est quelqu'un qui est très complexe, Bernard. Bernard est tantôt un homme extrêmement spirituel, mystique, capable d'écrire des hymnes superbes sur la Vierge, de méditer sur l'amour spirituel à l'égard de Dieu. Et puis aussi Bernard qui dit aux moines, il ne faut pas sortir du monastère, par sa vie à essayer de résoudre tous les problèmes de l'Occident, dont le schisme d'Anaclet. et donc appartenait. Un jour, il est en train de célébrer la messe, et puis Guillaume, qui se répand, vient à la porte de l'église, et Bernard a une intuition, il prend l'hostie, et il sort avec donc le corps du Christ au portail, et l'autre se jette, le duc se jette à ses pieds, donc il veut faire pénitence, il se met à genoux, et on lui impose d'aller à Saint-Jacques de Compostelle, qui est un des grands lieux de pèlerinage à l'époque, et c'est là qu'il mourra le Vendredi Saint, qui est le jour aussi de la mort du Christ, de sa crucifixion, 1137. Donc là, Guillaume X se retrouve, enfin, il n'y a pas de successeur, Raymond n'est pas là, Raymond de Poitiers est Antioche, mais avant de mourir, il a décidé avec ses conseillers de donner Aliénor au fils du roi de France, puisque ça lui permettra sans doute, eu égard au prestige et à la souveraineté du roi de France, de contrôler la situation. Le fils du roi de France, ça pourrait être Philippe, sauf que voilà, passe un cochon. Dans ce temps, arriva un malheur étrange, et jusqu'alors inouï dans le royaume de France. Le fils aîné du roi Louis, Philippe, enfant dans la fleur de l'âge et d'une grande douceur, se promenait un jour à cheval dans un faubourg de la cité de Paris. Un détestable porc se jette dans le chemin du coursier. Celui-ci tombe rudement, jette et écrase contre une roche le noble enfant qui le montait et l'étouffe sous le poids de son corps. Ce jour-là même, on avait convoqué l'armée pour une expédition. Aussi, les habitants de la ville et tous les autres qui apprennent cet événement, consternés de douleur, crient, pleurent, poussent des sanglots, s'empressent à relever le tendre enfant presque mort et le transportent dans la maison voisine. Ô douleur ! À l'entrée de la nuit, il rendit l'âme. Quelle tristesse et quel désespoir accablèrent son père, sa mère et les grands du royaume. Frédéric Labussière, merci beaucoup pour cette lecture de la mort de Philippe de France. C'est triste, un cochon passe, le cheval se cabre, le jeune homme meurt. Mais Martin Aurel, cela a une conséquence pour Aliénor, indirectement. C'est que désormais, le successeur du roi n'est plus Philippe, mais Louis, l'autre frère. Oui, Louis VII. Alors c'est vrai que cette situation, cette mort prématurée de son frère aîné, a poussé les historiens a posteriori à dire « Louis VII, c'était un cadet, donc on le destinait à une carrière religieuse ». Mais ce n'est pas parce qu'il a été éduqué à Saint-Denis, l'abbaye toute proche de Paris, où il y a un abbé qui est génial aussi, c'est une période. Vous avez des gens extraordinaires. Hein. Regardez, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, qui a un grand cœur, qui a fait enterrer ensemble un autre personnage exceptionnel, Pierre Abélard, qui nous a appris l'argumentation, la dialectique, sic et non, oui et non, voir les pour et les contre avant de prendre un jugement, d'émettre un jugement sur des problèmes philosophiques, sur tout raisonnement, toute argumentation. Et donc, il a fait enterrer Pierre le Vénérable ensemble, donc Héloïse et Abélard, les époux. Et c'est un peu un petit ennemi, un rival, disons, de Bernard, parce qu'ils ont un tempérament tellement différent l'un de l'autre. Donc, vous avez ces milieux extrêmement porteurs. Et il y a l'abbé Sugère, ce grand abbé Sugère, abbé de Saint-Denis, qui est le premier à avoir conçu l'architecture gothique dans le bâtiment qui refait à Saint-Denis, donc l'abbaye qui était la nécropole, le lieu d'inhumation des rois de France, qui était une vieille abbaye carolingienne. Les gens ne pouvaient plus entrer tellement la nef de l'église abbatiale était devenue petite. Donc il a cette idée de l'arc en ogive, de ces nefs extrêmement élancées, l'arc gothique. Et donc Sugère, qui est très proche de Louis VI, parce qu'ils avaient été tous les deux à Saint-Denis quand ils étaient jeunes, mais c'est normal, souvent les grandes familles aristocratiques laissent leurs enfants pour qu'ils soient éduqués dans des monastères qui sont les lieux de culture. Et Louis VI le Gros avait été éduqué auprès de lui, Lui, il a choisi la vie monastique, suggère, mais pas Louis VI, évidemment. Et Louis VII, c'est la même chose. Ce n'est pas qu'on le prédestinait particulièrement à devenir un moine, comme cela a été écrit. Ça tient, cette idée reçue, un texte d'un anglais de la fin du XIIe siècle, Guillaume de Newborough, qui met sur les lèvres d'Aliénor la phrase suivante « J'ai épousé un moine et non pas un roi ». D'abord, c'est un texte qui a été écrit une cinquantaine d'années après les événements. Et puis aussi, on exagère beaucoup sur le côté Louis VII serait incapable de satisfaire sexuellement Aliénor, c'était raté sur le plan marital, c'est faux. Quand on lit le texte dans son contexte, Guillaume de Newborough est en train de dire que Louis VII ne s'est pas bien comporté militairement, stratégiquement, à la croisade. Il n'est pas question de vie conjugale, mais tout simplement ces dons militaires qui sont remis en cause. Là encore, c'est un Anglais qui parle, un ennemi déclaré des Capétiens. Donc ce n'est pas non plus que Louis VII n'ait pas lutté toute sa vie. Il a fait comme tous les gens de sa génération. Il a pris les armes, il a passé son temps à guerroyer. Et donc, vous voyez, c'est un peu cette vision a posteriori qui n'est pas exacte de Louis VII. Hein, il faut le réhabiliter un peu. C'est un homme aussi qui a su tenir tête à l'Église, qui a voulu imposer un archevêque à Bourges, donc qui a participé aux élections épiscopales à un moment où cela passe très mal. Donc, ce n'est pas la grenouille de Bénitier qu'on a voulu nous présenter si souvent. Oui, et puis c'est lui qu'elle épouse, ce n'est pas Philippe qui est mort à cause d'un cochon qui passait par là, elle épouse Louis, et tout ce que vous venez de nous dire, Martin Aurel, cette légende noire autour de ce pauvre Louis, le futur Louis VII, est particulièrement tenace. Je crois bien que c'est le jour de mon mariage que j'ai entendu pour la première fois dire sur notre passage. Il a plutôt l'air d'un moine. Le banquet des noces a eu lieu au palais de l'Ombrière. Il faisait très chaud, ce 25 juillet 1137. Au palais, il y avait près de 1000 invités, et puis tout autour, la foule du peuple. Ainsi s'achevait ce qu'avait voulu mon père avant de mourir. Ce que ses messagers étaient venus dire au roi de France, Louis VI. Telle est la nouvelle que le duc d'Aquitaine, mon maître, m'a chargé de porter à votre noblesse, sire le roi, avant de mourir. Vous êtes, sire le roi, le suzerain du duc. Sa fille Aliénor est votre vassal. Le duc vous la confie. Je saurai faire mon devoir. Le suzerain protégera sa vassale. Le suzerain se doit de marier sa vassale, si elle est fille. Eh bien, je la marierai. Ben voilà, il fallait bien Edwige Feuillère pour jouer le rôle d'Aliénor d'Aquitaine dans la Tribune de l'Histoire, c'était en 1973. Martin Aurel, ce mariage entre Louis, ce futur roi de France, mais bon, on ne le sait pas encore, et Aliénor, c'est en 1137, c'est un mariage que l'on pourrait décrire de quelle manière? Ça se passe où déjà? Ça se passe à la cathédrale de Bordeaux, à Saint-André. On ne sait pas très bien si le banquet s'est vraiment déroulé aux Ombrières, peu importe, il y a une chance. Mais c'est vrai que pour Louis VII, c'est une manifestation de force dans cette terre où ses ancêtres n'étaient pas venus depuis des décennies. C'est pourquoi on le fait tellement au sud, hein, au cœur de la Gascogne, à Bordeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que Louis VII a conscience de posséder avec la reine l'Aquitaine. On a beaucoup parlé de deux corps du roi à la suite de Kantérovitch, mais on ne se rend pas compte que la reine aussi a deux corps, un corps physique que le roi possédera par le mariage. Mais il y a aussi le corps abstrait qui est le duché d'Aquitaine, et toutes les sources sont concordantes du côté du roi de France. En possédant Aliénor, on possède désormais l'Aquitaine. Et c'est là où ça va clocher, où ça va provoquer des tensions, puisqu'Aliénor est très consciente aussi du poids de son héritage et de ce qu'elle a reçu de ses ancêtres. Et elle passera sa vie à défendre ses droits de gouverner seul, ou en tout cas avec ses propres conseillers poitevins, l'Aquitaine. Donc ça, c'est important. Après le mariage lui-même, nous est très bien connu parce que l'abbé Suger a accompagné Louis VII dans l'expédition. C'est une vraie expédition, c'est un tour de force militaire, sujet qui nous a laissé un récit très précis sur ce qui s'est passé, nous raconte que il est parti, Louis VII, enfin le futur Louis VII, vous l'avez bien dit, hein, puisque son père est moribond, mais il mettra encore 15 jours à mourir entre son mariage et son retour à Paris. Eh bien, Louis VII part dans le Midi avec 500 chevaliers, ce qui est beaucoup hein, pour l'époque, parce qu'il faut compter aussi les piétons, les sergents d'armes, et les plus grands du royaume sont avec lui, Raoul de Vermandois, son sénéchal, Thibaut IV de Blois-Champagne, des très hauts personnages qui l'accompagnent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Louis VII n'a pas voulu loger dans un premier temps dans les palais, les châteaux des seigneurs locaux, mais il loge sous des tentes superbes, mais il... Et ensuite, après le mariage, oui, là, il réclame le droit de gîte, c'est-à-dire il peut s'imposer chez ses nouveaux sujets. Et juste pendant le mariage, Aliénor a reçu, nous dit sujet, le diadème royal. Elle a été couronnée par son mari. C'est intéressant aussi, on a dit non, mais c'est une couronne nuptiale, ça n'existe pas dans le rite latin de mariage, hein, de noces. Le couronnement, comme c'est le cas chez les orthodoxes, donc ça ne peut être que la couronne royale. Et puis, aussitôt après le mariage, les sujets, les Aquitains présents, les membres de l'aristocratie gasconne, poitevine, saintongeaise, sont venus se mettre à genoux devant lui pour lui prêter l'hommage, pour lui prêter le serment de fidélité. Donc c'est un acte de prise de possession de la femme, prise de possession du duché d'Aquitaine. Et c'est comme cela que les chroniqueurs, les membres de l'entourage de Louis VII, voient ce mariage comme un acte véritablement d'occupation. Oui, parce que si on regarde la carte de France avant et après le mariage de 1137, alors c'est pas la même chose, au sens où ces notions que j'évoque, France, etc., ça ne veut pas dire grand-chose, c'est plutôt des territoires contrôlés directement par celui qui est le roi de France. C'était quoi, autour de l'île de France? Et puis voilà. Ça s'étendait le un petit peu. Le roi de France, c'est l'île de France, et puis Blois, Champagne, c'est un seigneur qui lui est souvent hostile, hein, même si par moments, ça descend aussi jusqu'à Orléans, et puis une partie de la ville de Tours, de la Touraine, et puis vers le nord, vers Compiègne. Donc, à côté de cela, ce sont des terres extrêmement riches, et puis avec un potentiel, grâce à la Seine, hein, qui est un haut lieu de commerce, de circulation de marchandises, d'enrichissement. Vous comparez cela au duché d'Aquitaine, qui est colossal. Vous savez, je ne comprends pas nos hommes politiques, nos technocrates, comment ils ont une vision si pauvre de la géographie historique. Mais pour une fois, ils ne se sont pas trop trompés. Ils ont fait une nouvelle Aquitaine qui rappelle un peu l'Aquitaine d'Aliénor. Mis à part quelques ratés, comme l'actuelle Vendée, qui était le Bas-Poitou et qui appartient désormais, enfin depuis les années 40, au pays de la Loire. Donc vous voyez, mais c'est sans commune mesure. Le duché d'Aquitaine est très très vaste. Il faut dire aussi que les ducs d'Aquitaine ont beaucoup de mal avec les Gascons. Hein, et là encore, eux aussi, ils ont du mal à se faire respecter parce qu'on est dans un ordre seigneurial, dans une organisation féodale qui n'a rien à voir avec, comme vous l'avez très bien dit, avec nos conceptions actuelles du pouvoir, du territoire, qui sont très jacobines, qui sont très contemporaines, modernes. Et on vit dans un autre monde où surtout ce sont des liens d'homme à homme, d'où l'importance de ces serments de fidélité, de cette foi qui a été prêté à Louis VII. Peut-on dire que c'était un cadeau de mariage par Aliénor, l'Aquitaine, à Louis, le fils du roi de France? Oui, on peut dire cela. On parle à l'époque de dot, c'est-à-dire c'est ce que la femme apporte au mari, par opposition au douaire, hein, puisque le mari aussi est obligé de lui donner quelques seigneuries, surtout au cas où elle deviendrait veuve, où là il faut qu'elle ait du propre, qu'elle ait des biens. Et on rajoute un vase. Et on rajoute un vase superbe, le vase qui est exposé au Louvre, le vase d'Aliénor. Et là encore, comme Louis VII a eu la bonne idée de l'offrir à l'abbé Suger de Saint-Denis pour les ablutions rituelles de la messe, on a son histoire qui a été gravée dans ce vase qui est exposé au Louvre, donc sur la base qui a été sur lequel ce vase en cristal avec des figurines en forme de hexagonale qui qui vient vraiment de la Perse sassanide, hein, et qui a été pris par Guillaume IX, enfin, lui a été offert par l'émir de Saragosse, de la famille des Banhoud, lors d'une de ses campagnes où il est allé l'aider contre les Berbères almoravides qui étaient rigoristes et qui ne comprenaient plus ces royaumes du nord de la péninsule ibérique, les Taifas, où l'on buvait du vin, où l'on chantait l'amour dans des poésies. Donc, lui, d'ailleurs, il y a eu un lien aussi, hein, probablement, dans la naissance de cet amour courtois ou de cette poésie, cette influence du monde arabe de la péninsule ibérique sur Guillaume IX. Donc, c'est ces vases qui rapportent toute cette histoire qui vient de Perse et qu'Aliénor offre en cadeau de mariage à son époux et que Louis VII offrira ensuite à Suger. Et c'est pourquoi on l'a conservé. Martin Aurel, il faut nous rappeler, hein, ce sont des jeunes gens. On parle de Louis, oui, d'Aliénor, ce sont des gamins. Des gamins, absolument. Hein. On sait qu'Aliénor, bon, il y a de fortes chances. Hein, parce que sa date de naissance nous est connue, ou de l'âge qu'elle avait au moment du mariage par une source de 1300, mais c'est la seule qu'on ait, donc elle aurait 13 ans, mais le droit canonique permet à l'époque de se marier à 12 ans, majorité légale pour les filles, à 14 ans pour les garçons, lui doit avoir entre 14 et 17 ans à peine, donc ce sont des gamins, je parlais de consommation du mariage, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur nuit de noces à Taillebourg ou à Saintes, mais c'est vrai qu'elle a mis très longtemps à voir son premier enfant. Ah, elle est très jeune. Et puis, Martin Aurel, il faut nous donner des nouvelles du roi Louis VI le Gros. Vous avez dit qu'il était moribond au moment du mariage. Il va mieux ? Non, il va pas mieux, malheureusement, pour lui. Il meurt donc à Paris, dans les chaleurs estivales, et donc à Poitiers, où Louis VII insiste sur son rôle de duc d'Aquitaine, puisque c'est la capitale du duché, d'une serve, entre guillemets, eh bien, il reçoit donc cette nouvelle de la mort de son père. Il se précipite vers Paris. Aliénor va suivre avec son cortège nuptial, et bien sûr, quand il arrive à Paris, bah, il est roi puisqu'il a été couronné auparavant. Ah, c'est incroyable, hein, de se dire qu'après ce mariage à Bordeaux, quelques semaines plus tard à peine, ça y est, Aliénor est reine de France. Et vous l'avez dit, hein, elle est toute jeune encore. Hein. Oui, elle est très jeune. D'ailleurs, on a dit souvent qu'elle avait eu une crise avec sa belle-mère, Adélaïde de Maurienne, une forte femme, une savoyarde, mère d'une dizaine d'enfants, qui avait une forte emprise sur Louis VII. Et ces sujets qui ne l'aiment pas et qui parlent de ses intrigues, de ses crises de palais. Mais Aliénor, je pense qu'elle avait un rôle très, très effacé. Il faut attendre ses 17 ans pour qu'elle commence à concéder quelques dons à des abbayes. Donc on est des chartes dont elle est l'auteur, notamment une abbaye à Nieul-sur-Lotise, donc en Bas-Poitou, une autre à Sainte, Notre-Dame de Sainte. Donc là on la voit agir, mais autrement c'est son mari et l'entourage de son mari qui prennent les initiatives. Et nous comprenons pourquoi tous ces personnages que vous nous présentez comme sujet ou comme Bernard, le futur Saint-Bernard, Bernard de Clairvaux, sont importants. Une cérémonie solennelle eut lieu pour inaugurer la nouvelle basilique à l'abbaye de Saint-Denis. C'était l'an 1144, au mois de juin. Mon époux y parut en costume de pénitent parmi les clercs et les prélats rassemblés. Moi, j'avais demandé à voir celui que la chrétienté entière révérait, Bernard, l'abbé de Clairvaux. À la fin de la cérémonie, notre rencontre eut lieu, seul à seul, dans les cryptes de l'abbatiale. Vous multipliez les meurtres, les incendies, les destructions d'églises. Vous chassez les pauvres de leur demeure. Vous vous commettez avec des ravisseurs et des brigands. Sachez-le, vous ne resterez pas longtemps impuni. Je demande votre intercession. Depuis bientôt 7 ans que je vis avec le roi, après avoir eu dans les premiers temps de notre mariage un espoir vite déçu, je n'ai pas eu d'enfant et désespère d'en avoir. Cherchez donc la justice et la paix du royaume. Cessez de le troubler par d'injustes querelles. Et Dieu, dans sa miséricorde, vous accordera, je vous le promets, ce que vous demandez. Quand la télévision française s'intéresse à Aliénor d'Aquitaine, la reine d'un jour, en 1973, avec ici Martin Aurel, l'évocation des enfants. Parce que, bien sûr, c'est la grande question. Oui, ce texte est superbe. Enfin, il est un peu romancé tel que on vient de l'écouter. Mais on a cet entretien entre Bernard et Aliénor lors de la consécration de l'abbaye de Saint-Denis, donc la nouvelle abbaye gothique. Aliénor lui dit « Écoutez, je n'ai qu'une fausse couche, je n'ai pas d'enfant, on m'en veut parce que je ne donne pas d'héritier au royaume, qu'est-ce que je peux faire ?» Et Bernard lui fait remarquer qu'elle est à l'origine d'une guerre entre la Champagne et le roi de France, Thibaut IV, qui a défendu l'honneur de sa nièce, puisque sa nièce avait été répudiée par son mari, Raoul de Vermandois, le sénéchal, qui était un fidèle parmi les fidèles du roi de France. Il était même éborgné au cours, par un carreau d'arbalète, une vingtaine d'années auparavant, au cours d'une campagne militaire pour essayer d'imposer le pouvoir de Louis VI au sire en révolte de l'Île-de-France. Eh bien, la sœur d'Aliénor, Pétronille, Alix, on a voulu marier à cet homme pour éviter qu'elle n'épouse pas un haut personnage de l'Aquitaine, ce qui pourrait provoquer ensuite des revendications dynastiques, le trône de l'Aquitaine, etc. Donc on veut la marier à Raoul de Vermandois, mais il est marié, Raoul, donc il doit se séparer de sa femme. Et puis il organise un tribunal avec son frère qui est évêque de Noyon pour obtenir le divorce à bon compte sous prétexte de consanguinité, de cousinage, hein, puisque l'Église interdit aux cousins de se marier entre eux, l'Église appelle cela un inceste. Et ça provoque bien sûr une guerre puisque Thibaut IV ne peut pas supporter que l'on méprise comme cela une femme de sa famille. Et au cours de ces guerres, il y aura le massacre de Vitry, Vitry le brûlé, les gens se réfugient dans l'église, un incendie provoqué. Louis VII sera très, très affecté par ces exactions de ses chevaliers, de ses soldats. Hein. Et donc c'est aussi une des causes de sa pénitence. Donc Bernard, qui essaie de négocier la paix entre son parent, le comte de Champagne, et le roi de France, utilise la médiation d'Aliénor. C'est intéressant, parce que Aliénor n'a pas un pouvoir institutionnel au XIIe siècle. Les femmes, les reines, n'apparaissent plus, par exemple, dans les chartes à côté de leur mari en tant qu'auteur des décisions qui sont prises. C'est dû à la résurgence du droit romain, qui est extrêmement misogyne, et aussi qui a une conception abstraite du pouvoir. Avant, c'était plus domestique, c'était plus familial, mais malgré tout, Bernard est conscient que, au creux de l'oreiller, d'oreille, de bouche à oreille, bah, une femme nécessairement a une influence sur son époux. Et donc, il va passer par elle pour qu'elle obtienne la paix avec le comte de Champagne, que cette guerre cesse d'une fois pour toutes. Oui, parce que Aliénor a manœuvré pour que sa petite sœur Pétronille puisse épouser quelqu'un, donc il fallait casser le mariage de ce quelqu'un. Ça n'a pas plu, ça a fait tant de dégâts et de conséquences. Et ensuite, elle est toujours mobilisée pour régler la question. On peut dire hein, quand même qu'elle a un rôle ici, mais ce n'est pas elle qui le mène. C'est-à-dire que quand je vous écoute, Martin Aurel, on sent que tous ces personnages, Bernard de Clairvaux, etc., ont compris l'intelligence de cette femme, qu'ils pouvaient s'appuyer sur elle. Absolument, vous avez raison. Ils savent que elle a une influence indéniable sur son mari. Combien des épouses, hein ? Et puis aussi, Bernard lui promet quelque chose d'extraordinaire, lui promet une descendance. Avec ici la place des femmes, tout simplement dans cette société-là. Hein. Aliénor d'Aquitaine, elle a beau être fille du duc d'Aquitaine, elle a beau avoir épousé celui qui devient quasiment 15 jours plus tard le roi de France, elle demeure femme dans cette société médiévale. Richard de Devise, chroniqueur du XIIe siècle, nous parle d'Aliénor. La reine Aliénor, une femme incomparable, belle et pudique, puissante et modeste, humble et éloquente, qualités qui sont très rarement réunies chez une femme. Merci, Frédéric Labussière. Évidemment, hein, ce regard très dur porté sur les femmes en général, avec Aliénor mise en avant. C'est intéressant de voir cela. Oui, parce que Richard de Devise, c'est un très fidèle de Richard Cœur de Lion. Hein. Et donc, c'est un moine qui est très proche du roi d'Angleterre à l'époque. Et c'est l'époque où Aliénor a retrouvé son pouvoir auprès de son fils. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Aliénor, jusqu'à sa rencontre avec Bernard, n'a pas eu d'enfant. Et Bernard lui promet une descendance. Mais Bernard n'a peut-être pas assez prié, puisque pas de chance, dans les mentalités de l'époque. Aliénor a une fille qu'on prénomme Marie. Là encore, c'est lié à l'intercession cistercienne, hein, puisque les cisterciens sont en train de promouvoir, avec Bernard de Clairvaux à leur tête, la dévotion mariale. Et ce n'est pas un hasard non plus, ces noms qui n'étaient pas dans les familles royales jusqu'alors. Et oui, Marie, c'est très lourd de sens. Et ici, nous avons une descendance, bien sûr, entre Louis VII et Aliénor. Ce sont des filles. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à cette figure fascinante, hein, il faut le dire, Aliénor d'Aquitaine. Souveraine du plus beau des pays, souveraine d'Aquitaine dans le grand du pays. Oh, souveraine d'Aquitaine dans le grand du pays. Franchi, franchi, franchiment, avec perdit postrein. Franchi, franchi, franchiment. L'Inglaterra presta man. Taille fine hanche pleine du domaine des Francs. Ô ma richesse furaine, l'espace d'un printemps. Ô ma richesse furaine, l'espace d'un printemps. Franchi, franchi, franchiment, avec perdit postrein. Franchi, franchi, franchiment, l'Inglaterra presta man. Roi des Francs, roi des Francs, ta femme perdue guerre pour cent ans. Roi des Francs, roi des Francs, ta femme perdue guerre pour cent ans. Père André Delbo qui chantait Aliénor, une chanson entre Louise Attaque et Yves Dutheil. Me souffle à l'oreille Thomas Beau qui réalise cette émission, le cours de l'histoire sur France Culture, réalisé également avec Laurence Millet. Et aujourd'hui à la technique, Lucas Finet. Nous sommes avec Aliénor d'Aquitaine et Martin Aurel. Nous avons un personnage, Aliénor, Martin Aurel, vous nous l'avez dit, qui, allez, on estime vers l'âge de 17 ans, commence à s'affirmer au sens où, et c'est la question qui traverse, alors là j'ai envie de dire l'historiographie, l'influence qu'elle peut avoir auprès de son époux le roi. Oui, c'est vrai que ça nous échappe, hein, parce que ça se passe dans la chambre, ça se passe en tête-à-tête, et il n'y a pas de chroniqueur pour coucher par écrit ce qu'ils se sont dit. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, à partir de cette époque, elle s'affirme, et là, son mot à dire, elle intervient en politique, et ça éclatera au moment de la croisade. Oui, parce que 10 ans après le mariage, il y a cette croisade. Alors, la première croisade, celle de 1095, est une chose relativement ancienne, ça a une cinquantaine d'années, mais ce n'est pas oublié, c'est encore vif. Pourquoi de nouveau une croisade à ce moment-là? Parce qu'il y a la chute d'une ville qui est un peu la protection des États latins du littoral palestinien, qui est la ville d'Édesse. Hein, et donc les Turcs attaquent du nord et cette ville tombe. Et très vite, le pape, qui est d'ailleurs un disciple de Saint Bernard, un cistercien, Eugène III, encouragé par Bernard, qui adore la croisade. Hein. Bernard, c'est un battant. Il a tout fait. Il a mis tout son prestige au concile de Soissons pour que les Templiers, ce qui est une aberration, des moines qui font la guerre, du point de vue du droit canonique, soient acceptés par la papauté. Eh bien, Bernard prêche cette croisade. Et là encore, tout son prestige, la fascination qu'il exerce, se concrétise à Vézelay, dans cette basilique romaine superbe avec les reliques de Marie-Madeleine, où Aliénor et son mari Louis VII assistent à son prêche sur la croisade. Et là, ils décident de prononcer tous les deux, mari et femme, ce qui était assez exceptionnel, le vœu de croisade, de partir pour reconquérir. Et c'est important, Édesse et rien d'autre. Édesse, c'est important, et j'anticipe un peu, parce que c'est la ville qui crée une sorte de zone tampon de glacis protecteur de la principauté d'Antioche, où l'on retrouve qui ? Raymond, l'oncle paternel d'Aliénor, qui avait renoncé à l'Aquitaine pour épouser l'héritière de ses duchés, hein, puisque Raymond est un personnage là encore fascinant. Il s'appelle Raymond parce que son père, Guillaume IX, voulait qu'il occupe Toulouse, c'est le nom traditionnel, puisque sa mère, Philippa, était comtesse de Toulouse. Ça n'a pas marché, puisque le comte de Toulouse en titre est revenu de Terre Sainte. Il s'appelait Alphonse Jourdain, vous voyez, il avait été baptisé dans le Jourdain, mais il est revenu du comté de Tripoli, qui est tenu par la dynastie toulousaine, pour réclamer ses droits. Donc Philippa n'a pas pu rester, et Raymond non plus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été accueilli par le roi d'Angleterre, Henri Ier, qui est un grand seigneur, qui aime beaucoup avoir les jeunes de l'aristocratie, les plus aguerris, les plus savants, autour de lui, qui les forme. Et puis, comme la famille d'Antioche est une famille anglo-normande, enfin normande, les Hauteville, il a ses réseaux aussi outre-mer, et il lui a obtenu ce mariage avec Constance, avec l'héritière d'Antioche. Donc Raymond se retrouve là-bas, et il est convaincu désormais que ses états sont en péril et qu'il a besoin de la croisade. Donc le pape aussi d'ailleurs, hein, où les chansons des troubadours, des trouvères, insistent sur le fait qu'il faut libérer Édesse, ou bien plus au nord, enfin, ou Alep, ou Chaïsar, des villes qui protégeraient la principauté d'Antioche. C'est-à-dire qu'Aliénor part, elle accompagne son mari, le roi, en croisade. C'est pas la première fois femme qui part, mais c'est la première reine. Enfin là, c'est très particulier. Passage à Constantinople, c'est important ça aussi à Constantinople, parce qu'elle peut comparer les modes de vie qu'il peut y avoir dans le monde byzantin et de ce qu'elle connaît à la cour de France. C'est vrai que Constantinople, c'est la grande métropole de l'époque, enfin en Occident et au Proche-Orient. C'est une ville superbe qui a résisté grâce à un système fiscal, militaire extrêmement exigeant. C'est la partie de l'Empire d'Orient qui a résisté donc aux invasions. Mais qui commence à perdre du terrain en raison de la poussée des Turcs seldjoukides, qui ont conquis pratiquement toute l'Asie mineure, toute l'Anatolie. Donc, mais c'est vrai que la ville a dû fasciner. Et puis en plus, l'épouse de Manuel Comnène, de l'empereur de Byzance, c'est une Allemande, c'est une femme occidentale qui envoie d'ailleurs des messagers au fur et à mesure que la croisade avance le long du Danube, puis dans les Balkans, pour recevoir Aliénor. Donc elle a été bien accueillie dans un milieu très féminin. Il y a même une tentative de faire épouser une de ces dames d'honneur par un Byzantin, mais de la haute aristocratie, mais les Latins, qui se méfient beaucoup des Byzantins, hein, ont pris cette fille et ils l'ont écartée de ce « danger », entre guillemets. C'est vrai qu'il commence à y avoir, même s'il y a de la fascination, il y a quand même des pierres d'achoppement. D'une part, le fait que les orthodoxes et les catholiques, les orthodoxes grecs et les catholiques latins ne s'entendent plus très bien. Il y a eu des échanges d'excommunication depuis un siècle, hein, ce qu'on appelle le schisme. Et puis aussi le fait que les Comnènes, les Byzantins, les empereurs de Byzance aimeraient avoir pour eux, puisque c'était leur territoire traditionnel, la Syrie-Palestine. Or, ils s'aperçoivent que les Latins, eux, ils créent leurs propres États indépendants. Donc ça crée aussi du grabuge, de la concurrence, c'est sûr. Ah les croisades, ce ne sont pas simplement les Occidentaux contre les musulmans. Il faut mettre les Byzantins dans la balance avec un voyage qui se continue, moult péripéties, bien sûr, pour Louis VII et Aliénor d'Aquitaine, jusqu'à retrouver tonton Raymond. Cet homme-là, faut juste jouer sur les générations. Il est à peine plus âgé qu'Aliénor, il a une dizaine d'années de plus. Voilà, hein, c'est ça. Une dizaine d'années de plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur leur relation entre ces deux-là ? On a inventé des choses. Je suis d'accord avec vous, c'est une légende noire qui a été forgée a posteriori. Ce que l'on sait de leur relation, par le témoignage le plus proche, Jean de Salisbury, qui écrit une quinzaine d'années après la croisade, mais qui a été à Rome, qui a rencontré le gendre d'Aliénor et de Louis VII, qui participait aussi à la campagne. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une scène de ménage pour des raisons purement stratégiques, de stratégie militaire. Raymond s'est rapproché de Manuel Comnène, des Byzantins, ce qui n'a pas plu aux autres États latins, mais lui n'avait pas le choix. Il avait des territoires frontaliers avec l'Empire byzantin. Et puis, il y a eu cette idée, cette double idée de lui, contrairement au but fixé de la croisade, et puis aussi au fait que il a voulu aller faire une campagne contre Damas, faire le pèlerinage à Jérusalem, Antioche c'est au nord, au lieu de s'occuper d'Édesse, au lieu de s'occuper de lutter au nord contre les Turcs. Et il s'est entendu avec le roi des Romains, il n'a pas été sacré empereur, Conrad III, et avec Mélisande, la reine de Jérusalem. Vous voyez, là encore, il y a des femmes extraordinaires en Terre Sainte, ces reines de Jérusalem, on pense à Eva Green dans Kingdom of Heaven, qui est un film, bien sûr, très particulier, mais Ridley Scott, comme toujours. Mais c'est vrai que dans ces pays, l'espérance de vie est très, très faible pour les hommes, qui peuvent être tués sur le champ de bataille assez facilement. Mélisande, Conrad III et Louis VII se mettent d'accord pour aller attaquer Damas, ce qui est une erreur stratégique. Et donc, c'est là où Aliénor et Louis VII se fâchent. Ce que Jean de Salisbury nous dit, c'est cela. Même Guillaume de Tyr le dit, un archevêque de Tyr, donc un latin d'Orient, un poulain, comme on disait à l'époque, comme on dira les pieds noirs, les poulains, ils nous disent que la raison principale de la querelle conjugale est d'ordre strictement stratégique. Si ce coïncide avec ce que vous disiez tout à l'heure, le pouvoir d'Aliénor, sa possibilité de s'imposer face à son mari et de lui donner son point de vue. En plus, je pense qu'elle était dans son droit, ne serait-ce que du point de vue du but fixé au départ de la croisade, mais aussi parce qu'il disait, tu es le neveu par alliance à Louis VII de Raymond, tu dois le défendre. Vous voyez, dans cette société, les structures de parenté, les mariages, ça crée des liens très forts. Et Louis VII n'a pas tenu compte de cela. Il est allé assiéger Damas, ça n'a duré qu'une semaine, ça a été un fiasco. Or, Damas était une ville pas turque mais arabe plutôt, traditionnellement assez proche des États latins. Donc c'était aussi une erreur stratégique. Alors on dit oui, mais c'était les gens de Damas se rapprochaient de plus en plus des Turcs. On ne sait pas très bien. Et donc c'est ce qui provoque donc cette rupture au sein du couple qui sera très difficile à réparer. D'autant plus difficile à réparer que face à l'échec de la croisade, le pauvre Raymond se retrouve seul. Et à la bataille d'Inab, quelques mois plus tard, il sera tué, sa tête sera coupée, son bras droit aussi, envoyé au calife de Bagdad. Donc Aliénor a su tout cela et il s'est dit « mais j'ai perdu mon oncle qui a perdu son territoire à cause de cette erreur stratégique ». Et ça créera donc une fracture au sein du couple beaucoup plus importante que les amourettes, le marivaudage, s'il a existé, entre Aliénor et son oncle. Avec un retour de croisade 2 ans plus tard, en 1149. Donc on peut le dire, alors on ne va pas divulgâcher, même si en histoire la notion d'annoncer la fin ne veut pas dire grand-chose, mais le divorce entre Aliénor et Louis VII est là, c'est pour demain j'ai envie de dire. Ça veut dire que la relation entre ces deux-là n'est plus au beau fixe après la croisade. Oui, on le sait par les lettres que Louis VII écrit à sujet, où il dit que il y a du vinaigre dans le couple. On le sait aussi toujours par Jean de Salisbury, qui raconte une scène extraordinaire. Quand ils arrivent tous les deux à Rome, le pape Eugène III, donc qui est un cistercien, un homme qui vit dans l'austérité la plus stricte, il a essayé de ravibocher leur amour, et c'est lui qui a préparé la chambre avec des draps très somptueux. Il les a obligés à dormir ensemble. Donc, vous voyez, parfois on a cette vision du mépris des moines à l'égard du mariage. C'est vrai qu'il y a cette tradition, mais il y a aussi une sensibilité très grande sur l'amour conjugal et sur le sens sacramentel de plus en plus du mariage. Et puis l'importance de ses conseillers, un sujet notamment, oui, sauf que ses conseillers eux aussi sont mortels. Oui, il y a un moine de Saint-Denis qui dit, Guillaume, moine de Saint-Denis, si sujet n'était pas mort, le divorce n'aurait jamais eu lieu. absolument, puisque du point de vue politique, c'est une grande erreur. Bah, on en a pâti les conséquences pendant la guerre de 100 ans, et puis même aussi dans l'imaginaire collectif. Français, le vrai ennemi, c'est la perfide Albion, c'est l'Angleterre. Et donc, ça a profondément marqué, mais c'est dû en partie à ce divorce. Alors, on peut pas faire de l'Uchronie que ce que se serait passé si Aliénor avait eu un fils et que finalement Louis XVI le lui avait pardonné, mais elle n'a eu à la suite peut-être de ses nuits à Tusculum, à Frascati, encouragée par le pape, et elle a eu encore un enfant, mais c'est, j'allais dire hélas, non, du point de vue humain on peut jamais dire ça, mais du point de vue politique oui, c'était une fille, Alix. Et dès lors, on pourrait penser que c'est la fin d'une histoire. Et c'est vrai que le divorce de 1152 entre Aliénor et Louis VII est la fin de quelque chose. Ben non, c'est le début de la suite de cette histoire qui est tout aussi fascinante. C'est ce qu'on retrouve dans votre ouvrage, Martin Aurel, Aliénor d'Aquitaine, publié aux Presses universitaires de France. C'est un plaisir de lecture, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est vrai qu'on est embarqué dans cette réflexion autour d'un personnage replacé dans un contexte beaucoup plus vaste et même dans l'historiographie. Merci vivement à vous. Merci à vous, Xavier. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les sources arabes ont-elles permis aux chrétiens de découvrir les écrits d'Aristote? Au cours d'une journée d'études organisée le 8 mars 2019 à l'Université de Caen-Normandie, dont je donne la référence sur notre site, des spécialistes sont interrogés sur le rôle que les sources arabes avaient joué dans la transmission des écrits d'Aristote jusqu'au Moyen Âge. L'un des axes de cette réflexion a été centré sur les savoirs médiévaux concernant les animaux, car les écrits d'Aristote ont enrichi de façon significative le corpus zoologique médiéval, à la fois en qualité et en quantité. Jusqu'au XVIe siècle, ce philosophe grec a fourni l'une des contributions majeures dans ce domaine de l'histoire naturelle qu'on appelle l'ichtyologie. Mais la traduction latine du corpus zoologique d'Aristote a été réalisée à partir de la version arabe établie à Tolède vers 1215 par Michael Scott, un philosophe qui était aussi médecin, alchimiste et astrologue. Ses écrits ont permis à ses contemporains d'avoir accès au savoir grec sur les animaux, mais en passant successivement par trois langues, le grec, l'arabe et le latin, et par trois alphabets différents. Le premier problème qu'a posé ce jeu de traduction concerne les noms d'animaux. Dans l'ensemble, les spécialistes estiment que le nom grec des quadrupèdes et des oiseaux a été bien compris par le traducteur arabe et par Michael Scott. Mais cela n'a pas été le cas pour les noms de poissons, car des espèces qui étaient présentes sur les côtes de Grèce n'existaient pas toujours dans les autres mers. De plus, en ce qui concerne les poissons, dans l'Antiquité, une même espèce pouvait être désignée par des noms différents, y compris à l'intérieur d'une même langue. Telles sont les raisons qui expliquent que le traducteur arabe d'Aristote ait souvent éprouvé des difficultés à traduire les noms de poissons. Dans la traduction qu'a réalisée Michael Scott pour rendre son œuvre accessible aux érudits qui lisaient le latin, on trouve beaucoup de termes qui ne sont pas des déformations du grec, mais qui viennent directement de la langue arabe. Par exemple, dans un passage de son Histoire des animaux, Aristote écrit à propos de l'éléphant que ses chevilles sont courtes par rapport à sa taille, et il précise « il existe à chaque pied un astragale, c'est-à-dire un os du pied, semblable à celle de la vache ». Le traducteur arabe a rendu le mot « astragalos » par « kab ». Scott n'ayant pas su traduire ce terme en latin, car il était sans doute trop technique, l'a adapté en écrivant que l'éléphant avait à chaque pied un kahab. Dans le livre encyclopédique intitulé « Liber de natura rerum », qui contient une partie sur les animaux et les monstres marins, Thomas de Quentin-Pré, un théologien du XIIIe siècle, a repris les écrits d'Aristote traduits par Michael Scott. Mais comme il n'a pas compris que le mot « kahab » était une traduction déformée de l'astragale, il a cherché une explication dans un passage où Aristote décrit la capacité de l'éléphant à nager longtemps sous l'eau. Il en a conclu que le « kahab » était un animal marin. Voilà pourquoi, jusqu'à la fin du XVe siècle, tous les grands ouvrages sur le sujet ont intégré le Kaab dans leur catalogue d'animaux vivant dans l'eau. Bah très bien, merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Judès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Mayou Nguizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.